fait, sinon je te casse la tête. Flashback de quelques siècles et on ressent le concept. Des icônes intouchables semant la confusion. Je vis dans un état laïque à l'aube d'une nouvelle inquisition. Rachid, arrête, pense par toi-même, c'est mieux. C'est quand même pas ton prophète qui pointe à la NPE. Et encore moins Allah qui nourrit tes gosses et ta femme. Aime-les comme s'ils étaient tes dieux, c'est sans la grandeur d'âme. Mais putain de croyance lorsqu'elle mène à l'extrémisme. Catholique, intégriste, j'en ai autant à ton service. Malraux parler d'un siècle spirituel. Mais dès qu'un des saints croque la haine, elle vomit allez, de plus belle. Allez, allez.